Je connais le châtiment que ces bâtards mériteraient. C'est un vieux rêve comme le partage des richesses. Être des hommes ne suffit plus à nous rendre fiers. L'humanité se nourrit de son propre fiel. On n'a jamais su délivrer nos messages. Ils ont rendu la vérité méconnaissable. Il n'y a que nous pour croire que les ténèbres ont du style. Pour l'enfer nous sommes le moins cher des combustibles. Ils sont nombreux à douter de mes aptitudes. Je tranche les fils que le pantin se désarticule. J'ai entrevu mon avenir et putain quel bordel. Le destin n'est pas le meilleur des chefs d'orchestre. On nous enseigne pas à repousser nos barrières. La méfiance est la plus efficace des gardiennes. Il y a le diable derrière ce qu'ils entreprennent. Plus de sang sur leurs mains que dans leurs propres veines. Meurtre, traîtrise et crise financière. La vérité n'est plus notre héritage. Famine, mort et mépris gigantesque. Regarde ce monde et accepte l'inévitable. Meurtre, traîtrise et crise financière. La vérité n'est plus notre héritage. Famine, mort et mépris gigantesque. Regarde ce monde et accepte le paysage. Il est facile de choisir d'avancer avec les yeux clos. Vivre un but soi-même, persuadé de valoir mieux que l'autre. C'est pas l'oseille qui me rendra mature. J'écris l'ironie du sort comme si j'étais un putain de dramaturge. Que ma route est parsemée d'un tas d'ordures. J'userai ma santé à chanter notre infortune. Car la vie n'est qu'une funeste mise en scène. Le marchand de sable a épuisé sa clientèle. Elle est entière ma plume, elle n'est pas scénariste. Se questionne et passe pour une blasphématrice. Il y a mieux que de lâcher des couplets habiles. Si à 30 piges t'as pas nourri de pauvre, t'as loupé ta vie. C'est sûr que j'en ferai pas tout un opéra. Ma tumeur comme la vôtre est inopérable. Que la faucheuse nous attende pour le générique. Comme un corps échoué sur une plage de Tenerife. Meurtre, traîtrise et crise financière. La vérité n'est plus notre héritage. Famine, mort et mépris gigantesque. Regarde ce monde et accepte l'inévitable. Meurtre, traîtrise et crise financière. La vérité n'est plus notre héritage. Famine, mort et mépris gigantesque. Regarde ce monde et accepte le paysage.